27 mars 2017, mon nom est Louis Martinguet et bienvenue à ce mini Basecall version pool. Bonjour et bienvenue à cette petite édition de Basecall. Je vais tenter quelques fois lors de la saison de vous faire un petit portrait, entre autres, de ce qui se passe dans les pools et plus précisément sur des catégories qui peuvent paraître au départ un peu bizarres, mais qui vous aideront sûrement. Tout d'abord, des joueurs à éviter qui ont eu des problèmes depuis le début du camp d'entraînement, même qui n'ont presque pas participé au camp d'entraînement. Il y en a un qui s'appelle J.D. Martinez, des Tigers de Détroit, que vous connaissez probablement déjà, et qui habituellement doit être pris dans les trois premières rondes ou les quatre premières rondes de sélection. Eh bien, lui a encore de la difficulté avec son fameux pied, et ça va l'obliger à commencer la saison sur la liste des blessés. Alors, un peu de danger peut-être, surtout pour les deux premiers mois, la vitesse sur les buts, la capacité à avoir des buts supplémentaires, donc des doubles, des triples et tout ça pourrait être handicapé. Alors, je vous propose de laisser tomber peut-être pour l'année J.D. Martinez. Maintenant, Jason Kipnis, qu'on aime bien, des aspirants à la Série mondiale de l'an dernier, eh bien, Jason Kipnis a une épaule assez amochée et lui aussi devrait probablement commencer la saison sur la liste des blessés pour peut-être justement 3 à 4 semaines encore. On sait que l'épaule, c'est très fragile, il va pouvoir revenir à une forme acceptable, mais à ce moment-là, on peut voir vraiment sa puissance diminuer, elle qui n'était pas nécessairement un atout dans son cas. Alors, si vous le sélectionnez un peu trop haut, vous pourriez voir son total de buts supplémentaires ou même de circuits diminuer grandement. Alors, il est peut-être temps, malheureusement, cette année, de passer à une autre solution. Et le fameux lanceur qui est habituellement presque une aubaine qu'on va chercher dans les rondes du milieu ou presque même les dernières rondes, Carlos Rodon des White Sox de Chicago, eh bien, a eu quelques problèmes la semaine dernière lors d'une partie de la Ligue des Pamplemousses et s'est vu, mettre au rancard par son bicep gauche qui semble lui donner des problèmes. C'est jamais une bonne idée, pour un lanceur d'avoir des problèmes au bras et ça va pouvoir lui amener peut-être des troubles cette saison, ne serait-ce que pour sa grande qualité et son ratio de buts sur balle versus ses retraits au bâton. Alors, évitez peut-être Carlos Rodon et ça va vous permettre d'aller vers des versions alternatives. Entre autres, si vous avez déjà pris James Paxton, eh bien, il fera sûrement le même travail et beaucoup mieux encore. Maintenant, une catégorie qui est parfois délaissée par les amateurs de pool, malheureusement, eh bien, c'est celle des releveurs qui ne feront pas de parties sauvegardées qui n'auront peut-être pas de save cette année, mais qui peuvent vraiment vous en donner beaucoup pour leur argent. Tout d'abord, je vous propose Nate Jones des White Sox de Chicago. Nate Jones, tout d'abord, est un lanceur assez exceptionnel pour refaire la 8e ou même la 9e manche. Il a un ratio superbe et il va vraiment vous aider beaucoup pendant toute la saison. Il est probable que Robertson soit échangé et que Nate Jones puisse avoir le rôle de stopper d'ici la fin de la saison, alors vous pourriez avoir une belle surprise à la date limite des transactions. Un autre releveur à considérer dans cette catégorie est Kyle Barraclough des Marlins de la Floride. Barraclough a un ratio de retrait au bâton assez exceptionnel. L'an passé, il a réussi plus de 100 retraits au bâton et c'est une source assez exceptionnelle pour cela. Vous devriez le prendre vraiment pour vous assurer que régulièrement, à peu près pendant 70 matchs cette année, vous aurez des retraits au bâton très réguliers. Alors pour un lanceur qui ne participera peut-être pas à la 9e manche, c'est vraiment un choix assez intéressant. Comme dernier choix dans cette catégorie, eh bien, l'ancien choix numéro 1 repêchage, Matt Bush, qui après avoir réussi à régler ses problèmes hors terrain, nous revient presque comme une fraîche recrue et domine tous les frappeurs de la Ligue américaine, ou presque. Matt Bush ne va pas faire autant de retraits au bâton que Kyle Barraclough, mais il va vous aider beaucoup dans les ratios, entre autres la moyenne de points mérités et le whip. Et maintenant, comme troisième catégorie, une catégorie un peu farfelue, mais que j'aime bien, c'est la catégorie Moneyball. Alors, je vais vous proposer dans cette catégorie trois joueurs des fameux Aces d'Oakland qui devraient être capables, en tout cas, de vous aider tout au courant de votre année de pool. Tout d'abord, eh bien, il y a le troisième but, Ryan Healy, qui lui est un choix un peu plus évident que les autres, qui a travaillé beaucoup sur son élan lors de l'été et même lors de la saison dernière pour le rendre de plus en plus parallèle, un peu, je dirais, à la Josh Donaldson, et ça devrait lui amener beaucoup plus de coups en flèche, et peut-être même il va augmenter sa puissance avec plus de circuits pour un troisième but qui ne vous coûtera pas très cher et qui peut être pris dans les rondes, disons à partir de la 20e. Eh bien, Ryan Healy est vraiment un bon pari pour cette année avec les A's d'Oakland. Il y a aussi le fameux Rajah Davis qui a réussi à se tailler encore un poste cette année, un peu dû aux blessures, on dira, mais Rajah devrait jouer presque toute la saison au champ-centre pour les A's d'Oakland. On sait que sa puissance est, souvent anémique et qu'il a un peu de difficulté avec la moyenne au bâton, mais il vous assurera au moins une trentaine de vols de but. Peut-être même pourra-t-il aller jusqu'à 40, comme il l'a fait l'an passé. Alors, pour une source de vols de but très, très, très peu coûteuse, Rajah Davis, qui maintenant est presque assuré de jouer à peu près toute l'année, serait un très bon choix. Et au final, on appellera ça peut-être une carte cachée. En tout cas, on verra qu'est-ce qu'il pourra faire cette année. Le talentueux voltigeur Matt Joyce, qui a passé à peu près les dernières années à être un joueur de banc qui a remplacé à l'occasion, nous a fait quand même une excellente année, surprenante année passée avec les Pirates de Pittsburgh. Et maintenant, de retour dans la Ligue américaine, il va jouer pour les A's cette année et il n'a presque pas de compétition au champ extérieur, alors il devrait garder son poste. Matt Joyce qui a offert une moyenne de présence sur les buts de 400 l'an passé, oui évidemment dans une utilisation assez limitée qui le favorisait probablement, mais il a quand même un peu de puissance, même si le stade là-bas des A's d'Oakland va peut-être diminuer cette qualité chez Matt Joyce. Il devient un choix, disons, qui peut se faire presque sur le balotage ou disons en dernière ronde qui peut vous intéresser pour vous assurer d'avoir un banc, sur le banc, un voltigeur de qualité. Alors voilà, c'est terminé pour cette petite capsule. J'espère que cela vous aura aidé à faire vos poules. C'est vraiment le moment le plus important puisque la saison commence dans moins d'une semaine. Alors ayez du plaisir, faites des bons choix. Et on se revoit très bientôt pour Base Call avec notre collaborateur Philippe Debé. À bientôt!